Get down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, celle du 22 juillet 2016 pour une 42e semaine. Je suis Sylvain Lato, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Et oui, à partir de 17h30 cette semaine, oui, spécialement pour un gros spécial de 2h encore une fois. Et c'était nécessaire puisque je me réunissais avec mon ami Wayne Archibald, encore une fois, pour un spécial Tape Trading Days, coup de cœur, démo, vinyle, années 80, et chose qu'on avait fait en avril dernier, pour ceux qui se rappellent. Alors, on reprend où on avait laissé en avril, en tout cas, justement pour faire jouer, passer du stock qu'on n'avait pas pu faire jouer la dernière fois. Et puis, il y en a tellement que, bon, sans vous cacher, il pourrait facilement en avoir un troisième dans l'avenir. Donc, oui, on va passer les deux prochaines heures en compagnie de Wayne et aussi du Dr. Pendragon à distance, puisqu'il nous a fait part de quelques-uns de ses coups de cœur également. Donc, en direct de Trois-Rivières, on aura les commentaires du Doc, qui est animateur de réanimation, assez fou, à Trois-Rivières. Donc, oui, ça promet. Puis, juste pour vous donner une idée de ce qu'on avait fait jouer, des groupes qu'on avait passés lors de l'émission du 15 avril, la 30e émission, on avait eu Accept, Venom, Oz, Merciful Fate, Morbid Angel, Riot, Voivod, Exciter, Vermock, Michael Schenker, Witchkiller et Sadistic Vision, qui ont tous été de nos coups de cœur personnels de cette belle période alors qu'on recevait des plein de cassettes par la poste, là. Alors, sans plus tarder, on se transporte chez Jarry Smoke Meat dans l'Est de Montréal pour un autre Metal for Breakfast avec Wayne Archibald. Metal for Breakfast, part 2 avec Wayne Archibald. Metal for breakfast. Metal for breakfast. Bon, il me fait plaisir d'être De retour ici au Jarry Smoke Meat, à notre place attitrée pour l'émission Subversion, ici avec toujours en compagnie de Wayne Archibald. Salut! Salut! Notre table ronde n'est plus là, c'est table square, man, c'est carré, full pin. On est tous virés à l'envers, je ne sais pas de quoi faire. Moi. C'est vrai, c'est rendu table square. Il y a eu des rénaux. On revient avec un spécial. En tout cas, là, ce qu'on avait laissé au mois d'avril pour un spécial Tape Trading Days, vinyle et démo, nos coups de cœur de l'époque. Puis on savait déjà qu'il y en a eu tellement que c'était difficile, simplement l'exercice de tasser ce qu'on devait tasser pour faire place à ceux qu'on a choisis. Puis là, encore une fois, pour cette deuxième occasion, ça a été un autre, comment est-ce qu'on dit ça, un brainstorming, oui. Ouais, c'est ça. Il y a trop de stock, Sylvain. On a parlé de ça tantôt, ouais. Pendant nos œufs et nos bacon et nos bins, il y a juste trop de métal out there, il y a trop de stock à écouter, puis on fait des playlists ou des listes et des tunes que tu veux écouter, mettre sur ton show, ça finit plus. Donc on va faire d'autres shows avec ça, c'est bien fun. Oui, on n'aura pas le choix, parce que d'ailleurs, on fêtait ici le bouquin qu'on a devant nous, le Collector's Guide to Heavy Metal de Martin Popoff. Puis on peut juste constater la surabondance qu'il y avait à cette époque-là. Il y a plein de choses, ça nous fait allumer sur plein d'affaires. Puis on n'aura pas le choix d'en faire au moins un autre sur cette thématique-là. On peut en parler toute la journée, parce que les critiques de Popoff, des fois, il n'est pas toujours bon. Des 5 quand ça devrait être des 10 et vice-versa. Mais ouais. Ça, c'est une autre affaire. C'est personnel, la musique, hein, sinon c'est bon. Je suis bien d'accord. Ben pourquoi on y va pas avec ce premier bloc? Wayne, on va entendre dans ce premier bloc Heavy Load, Maltese Falcon et Sweet Savage. D'abord, pourrais-tu nous parler de Heavy Load et de pourquoi tu as choisi cet extrait? Je peux pas dire grand-chose, parce que je sens que j'étais un gros fan de Swedish Metal des années 80, puis quand tu m'as demandé à choisir des tunes, Heavy Load, ça c'était un des bands qui m'a fait triper beaucoup dans le temps, c'est des Vikings des early 80, là, ça c'était avant le TV show Vikings qui a commencé, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans le Swedish Metal que je tripais dessus, puis je trouvais ça bien intéressant, puis quand je commençais à penser des tunes, Heavy Load, là, c'est un album qui m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait quelque chose... De musicalement vikingish, puis je sais pas, que j'ai rien de personnel à dire contre eux autres, mais c'est que c'était bon, c'était un bon moment de musique, puis c'est ça, c'est tout. Et ironie du sort, dans le magazine Kerrang qu'on a devant nous, qui est à l'effigie de Rock Goddess, en page frontispice, on avait un poster d'Heavy Load, c'est quand même un addon quand même. Ouais, c'est weird, hein? Oui. Puis, c'est ça. Fondé à Stockholm en 1976. Et ça avait été fondé... formé en tant que trio avec les frères... c'est les frères Valquist, respectivement vocaliste et batteur. Et puis, c'est ça. Ils ont sorti Death of Glory en octobre 82. C'était le deuxième de trois albums. Et c'est sorti sur Thunderload Records, qui était fondé par les deux frères en question. Et le producteur, un des deux frères, justement, Ragne, 61 ans aujourd'hui, a coproduit les deux premiers Candlemas en passant, ce qui serait Epicus Dumicus, puis Nightfall. Et puis, Martin Popoff, dans son bouquin, il lui a donné la généreuse note de 10 sur 10. Wow! Et aussi, je pense qu'ils ont fait un petit show comeback cette année. En Suède, je ne suis pas sûr. Ou je sais pas si c'est Muscle Rock ou il me semble qu'ils ont joué une tune. Mais We'll Investigate. J'aimerais ça aller voir Wings of Metal ou je sais pas quoi à Montréal. C'est cool, hein? Ben oui. Ouais. Ils ont juste joué une tune? Je sais pas. aussi, ben, Maltese Falcon, dans ce bloc, c'est les Danois de Maltese Falcon qui ont... En fait, moi, j'avais accroché sur ce groupe-là, alors que, ben, en fait, Michel Nolette, du 88 Rock, qui animait une émission justement à CIRC, à Pointe-Noranda, travaillait au disquaire Polisson à l'époque, il était pas mal à l'affût des imports qu'il recevait au magasin, puis les bandes européens surtout, puis Maltese Falcon était un de ceux-là. Il y avait un spécial sur l'album où j'avais beaucoup accroché sur ce groupe du Danemark. Puis malheureusement, un album avec beaucoup de potentiel, puis ils ont disparu mystérieusement. Ils ont acheté quelques démos, trois démos par la suite. Puis en tout cas, des pièces qui devaient être destinées pour un second album. Même dans la presse spécialisée à l'époque, on nous promettait un deuxième album, mais c'est que jamais vu le jour. Puis on sortit une compilation en 2012 qui s'appelle Maltese Falcon 2, qui pourrait être ni plus ni moins le deuxième Maltese Falcon, la suite de Metal Rush, l'album en question. Le premier album est super bon. Oui. C'est un très bon album. Je l'avais dans le vinyle-là, puis j'ai adoré. Ah, tu l'avais, oui. Oui, j'ai adoré cet album-là. Ouais. J'ai pas fait de suivi après, il n'y avait pas d'Internet des années 80. Hein, donc, C'est quand même quelque chose d'assez prometteur à l'époque. Puis à noter que Aspatino, le bassiste qui a joué dans King Diamond sur les albums d'M, Conspiracy et D.I., faisait partie de cette formation-là. Et puis, c'était ça pour Maltese Falcon. Alors, c'est sûr qu'on va entendre une pièce de l'album Metal Rush dans ce bloc. Et puis, Sweet Savage, c'est une formation britannique, je crois. Irlandais. Oh, Irlandais. Et, ça a commencé avec un single, Killing Time, puis Techno Prisoners, si je ne me trompe pas, c'est côté B. Puis, il y avait Vivian Campbell qui joue maintenant avec Def Leppard. Mais quelle formation, quelle tune, quelle band. Et, ils ont fait un album plus tard, mais dans ce temps-là, c'était des démos. Puis Metallica était bien influencé par eux autres. Puis c'était incroyable cette tune-là, Killing Time, le single, là, incroyable. Ouais. Je l'avais aussi, je l'ai plus, comme tout le monde reste de mon stock. Ouais, je suis bien d'accord. En tout cas, cette pièce-là, j'aime beaucoup. On avait déjà fait jouer cette version, et probablement pas la même version. Ça a été justement fondé à Belfast en 1979. Et puis, le démo est sorti le 30 mars 81, démo de 4 pièces. Et ça a été enregistré au BBC Friday Rock Show en 81. Exactement. Puis, comme tu mentionnais, Vivian Campbell, qui faisait partie de la formation, qui a rejoint Dio plus tard en 83 et Def Leppard en 96. Et Vivian Campbell avait seulement 18 ans sur le démo, à noter, quand même. Fait que, alors, c'est ça, on va y aller avec, dans l'ordre, dans les ordres, Heavy Load, Maltese Falcon, mais d'abord Sweet Savage avec Killing Time, Subversion sur Underground Québec Radio. Yeah, Irish Rock. Killing time, last alive, killing time,

Long Live the Lord, hein? Le prochain thème, ça va être de Jerry Smoke Meat. Je sais pas, on va tourner avec Jerry puis ouais. Meat ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On va essayer de faire un effort de ce côté-là. Puis en début de bloc, Sweet Savage avec Killing Time, une pièce qui est pas mal fort connue ici en Amérique du Nord, surtout à cause de Metallica. Hein. La pièce Killing Time, tirée de ce démo de 4 pièces de 1981, enregistrée au BBC Friday Rock Show. Tommy Vance, qui est mort maintenant. Ah oui. Quel gars. Quelqu'un, monsieur qui a commencé plein de bandes, British, ouais. The New Wave, British Heavy Metal Band, Maiden, tout ça. Puis Titan, comme on entend plus tard, ouais. Il faisait des rock shows, des Friday rock shows, puis écœurant son show. Si on est capable de le trouver sur YouTube, là, intéressant à écouter. Il avait une belle voix aussi. Oui. Ouais. Il est référence à la matière. Oui, puis il connaissait son affaire aussi, c'est très cool. Ah, ouais. J'aimerais ça rencontrer ce gars-là. Ah oui. Ouais. Ça fait partie de mon passé de Kerrang, puis de. Et triper sur l'Angleterre, ouais, puis ouais. Tout. Anyways, ah, oui. The show must go on. Donc, les trois prochaines pièces qui s'en viennent, on va entendre les Japonais de Loudness, on va entendre aussi Voivode à leurs premières heures, mais d'abord, Holocaust. Ouais. Bon, je vais vous parler de Loudness un petit peu. Moi, Loudness, c'est un groupe qui m'a. Ben, tout comme toi, Wayne aussi. Hein, c'est une bande qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle que c'est un de mes amis à Rouyn-Noranda qui s'appelait Richard Bélanger. On se nommait Dolby. Il avait assez d'argent pour acheter beaucoup d'importations chez le disquaire policier qu'on parlait. Et puis, il est arrivé, quand je l'ai connu, il est arrivé au cours d'histoire de Secondaire 4 avec ce vinyle. Moi, je savais déjà c'était quoi avant de l'entendre. J'ai fait comme. Quoi, t'as ça, toi? C'est comme je voyais ça dans les listings de Rock and Stock, tout ça, puis le magazine Enfer aussi. Je fais comme, bon, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et j'ai été loin d'être déçu par ce groupe, vraiment. Moi, c'est une formation qui a été fondée à Osaka en 81. Alors, ils ont été déjà très productifs à leur début avec justement 3-4 albums dans les 4 premières années. Ce quatrième album est sorti sur Nippon à Columbia le 21 janvier, hein, du moins la version originale. Et puis, cette pièce-là, Esper, ça a été la toute première que j'avais entendue. C'est ça. Esper, on parle à propos d'une énergie mystique, d'où la phrase « Believe it now, it's mystic power ». Awesome, man! Disait Minoru Niara, qui ne comprenait pas un traître mot d'anglais à ce moment-là, mais bon. Quel album, oui. Disillusion, c'est incroyable. Oui. Fan de heavy metal, oui. Tout le monde devrait avoir cet album-là. Oui. Moi, je l'ai encore, j'ai gardé le mien, je sais pas pourquoi, là, j'écoute plus de vinyle, mais quel album. Je veux le regarder, puis je tripe dessus. Ah, oui. Je l'écoute même pas, je le regarde. L'art graphique transpire de l'excellence sur l'album. C'était un band qui était pas mal instrumentalement très très bon. Un petit peu un mix de Maiden puis de Rush, mais avec une espèce de twist, difficile à décrire. Puis justement, Akira Takazeki, moi c'était un de mes héros à l'époque. C'était comme le Van Halen du oriental, hein? Ouais. Ni plus ni moins. Mais les 4 premiers albums de Loudness, ouais. C'était classique. Oui. Ça, c'est. Personne ne peut rien dire de négatif sur ça parce que c'est incroyable. Ah, incroyable. Absolument pas. Puis moi, j'ai jamais vu encore. J'ai hâte de les voir. Toi, Sylvain? Oui, mais c'est un rendez-vous qu'on a manqué d'ailleurs, oui. justement, au Fouf, c'était en avril 2014. Il était booké le même soir que Black Sabbath au Centre Bell. Puis finalement, même que les Fouf, ils s'étaient arrangés pour que le spectacle commence plus tard pour que justement le monde de Black Sabbath puisse venir, dont notre collègue Stéphane Giroux. Hein, qui... Ah oui, c'est vrai. Mais finalement, la tournée avait été annulée à ce moment-là, peu de temps avant. Donc, très triste. C'est un rendez-vous remis. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Japanese God va nous le dire le jour. Ouais. Donc, Martin Popoff, lui, avait donné 6 sur 10 dans son Collector's Guide. C'est Illusion? Oui, oui. Ah, oh, ben, God. Il n'a pas été très généreux, c'est mais... C'est pas fort, ça. Oui. Pas fort. Peut-être qu'il écoute... On l'appeler Martin pas fort. Voivode, oui, ça, c'est un choix de notre ami le Dr. Pendragon, c'est fou, qui, justement, avec Outrage, qui était un des groupes qui était managé par Johnny Hart, hein, justement, avait accès à des tapes pas mal avant les autres. Puis aussi, ce tout de dette, ce démo de Voivode en 84. Et puis, eux autres avaient trippé bien raide quand ils ont entendu ça, hein, évidemment. Pour eux autres, c'était comme un nouveau plateau d'atteint dans l'exécution du heavy metal. Le Dr Pendragon va nous en parler durant le bloc aussi à distance. C'est un démo 16 pièces enregistré en janvier 84 au Morgotland Rehearsal Space au Saguenay. Toi, ça dit quelque chose, ça, le Morgotland Rehearsal Space? C'était juste comme leur local à Saguenay? Oui, c'est tout simplement le local au Saguenay. Ouais. Je ne sais pas si c'est celui à Arvida ou celui du père Denis, c'était les bureaux d'assurance à sa rue. C'est Saint-Dominique à Jonquière, dans le sous-sol. Ouais. Je pense que c'est plus celle-là. Ça doit être celle-là. Ouais. Ça doit être celle-là. Ouais. As-tu des souvenirs particuliers de ce jam space-là? Non. Ben, je me souviens que je suis allé voir, mais ouais. Pas de souvenir de même overdose pas. Ou je sais pas quoi, là, ou de vomi ou je sais pas quoi. De... Un overdose de fumée, peut-être. Peut-être. Ça a été ressorti sur Alternative Tentacles, le label de Jello Biafra, en 2011, sous le nom de To The Death, 84. Le Dr. Pendragon a choisi la pièce Condemned to the Gallows qui est parue sur le Metal Massacre 5 avec les Overkill, Omen, Face Warning, Metal Church, Hammer aussi qui était sur compilation là. Fait que le Doc va nous en parler de son expérience personnelle par rapport à cette démo et aussi de Holocaust. Holocaust qui est un autre groupe qui est pertinent, hein, du New Wave of British Heavy Metal. C'est un choix de Wayne. Et qu'est-ce que Holocaust représente pour toi et c'est cet extrait que tu as choisi? Ben pour commencer, c'est des Écossais. Il n'y a pas beaucoup de bandes metal écossais, mais aussi l'album The Nightcomers, quand c'est sorti pendant le New Wave of British Heavy Metal, c'est 81. Ouais. En 81, c'est quel album qui a surpris tout le monde. Puis un autre band qui a influencé Voivod et Metallica. Puis quand Holocaust ont joué à Wings of Metal en 2014, John Mortimer, leur original, le guitariste original qui reste encore, c'est maintenant un power trio. Mais lui était là encore, puis Way puis Denis Snake qui était là au show. Puis John Mortimer lançait des fleurs à Voivod, puis même j'ai commencé à jouer une tune. Puis j'ai fait rencontrer les deux bands ensemble, et John puis Voivod, les gars de Voivod ensemble. Puis quel moment important que je trouvais ça le fun, qu'un band influençait l'autre. Oui. Puis ça fait un moment quasiment historique, Metal Wise au Catacombe, puis une belle soirée. Puis le Holocaust, c'est un band. Je sais pas, The Nightcomers, la pochette, les tunes, le son. Mm-hmm. Il y avait tout pour réussir. Puis après ça, ils ont fait des singles qui étaient super bons. Ouais. Mais après ça, je pense que le band s'est dessous, puis dessous. Ouais, ouais. Puis ils ont-tu fait un album complet après ça? Je m'en rappelle pas. Je me souviens d'un album en 89 qu'ils ont fait. Ça, c'est beaucoup plus tard. Plus 83, 4, 5, je pense. Je connais pas bien la discographie de Holocaust, pour être franc, mais. On n'a pas fait nos devoirs avant de venir au déjeuner. C'est là, ça. Mais l'album de 89, dont j'oublie le nom, j'ai beaucoup aimé parce que justement, curieusement, tu parlais d'influence, tu sais, de Holocaust sur Voivod, mais c'est l'inverse qui s'est produit avec celui de 89. On écoute ça, puis on dirait du Voivod. Ah ouais. Mais à la Holocaust, c'est comme inversement. C'est ça qui est drôle. Puis probablement, je pense, si je me trompe pas, si je me fie, j'étais pas là ce soir-là au Catacombe, mais si je me fie sur ce que j'avais vu sur YouTube, je pense que c'est à ce moment-là que justement, il a envoyé le pot de fer à Voivod, puis pour introduire la chanson. Ah, je l'ai sous le bout de la langue, là. J'ai la toune dans la tête, mais justement, c'était assez voivodien comme interprétation, comme composition. Mais si tu écoutes le nouveau Holocaust qui vient de sortir maintenant, en 2016, là, c'est assez dans ce style-là aussi, un peu assez plus technical rock. Là. Ouais. Plus avec le vieux Holocaust, parce que si tu écoutes The Nightcomers maintenant, en 2016, il y a des tunes, c'est très rock and roll, hein? C'est pas vraiment metal, mais il y avait ce son, le New British Metal, c'était ça. Il y a beaucoup de ces vieux bandes-là, il y avait une ou deux tunes vraiment cool, puis il y avait des tunes très rock and roll mélangées avec le metal. Donc, c'est spécial cet album-là. Puis j'étais content de rencontrer John Mortimer. Il est encore très sympathique, ami sur Facebook, et c'est un bon gars. Puis il est très écossais, très pro Scotland. Yeah, man. Mais tu sais, moi je suis un écossais du Saguenay, c'est pas pareil. Quand même. Il y a un lien en commun. Ben ouais. Donc c'est ça qu'on va entendre. On va entendre justement Loudness, Voivode, mais d'abord Holocaust avec Death or Glory de l'album The Night Comers de 1981, un choix de Wayne. Tout de suite à Subversion sur Underground Québec Radio. Hey, Scotland! De studio qui était prêt à enregistrer ce genre de musique-là. Ouais. dit était extrêmement révolutionnaire et il n'y a pas fait de problème, je ne comprenais plus rien. Là. Mais il reste que c'était des démos que, comme je te dis, que j'ai encore entre les mains actuellement. Ça, puis le rough mix de Roar, oui. Deuxième album, que j'avais eu j'avais eu la chance d'avoir avant la sortie de l'album, parce que on était sous la gérance de Johnny Hart, qui lui était très près de Maurice Richard, donc de Voivode, donc on s'est fait faire une fleur en ayant reçu ça. Je l'ai encore lui aussi dans les mains actuellement, puis écoute, c'est mon album préféré encore de Voivode, Roar. Et je dois dire que le Rough Mix sonne très bien. Je pense même qu'il sonne mieux que l'album. Peut-être moins peaufiné au niveau des pièces, là, mais je pense qu'il sonne peut-être même mieux que l'album. L'album qui sonne un peu sec et ça manque de gras, on s'entend. Là. D'ailleurs, faudrait que Way pense à faire un remaster de cet album-là qui est, selon moi, un chef-d'œuvre du métal. Ouais. Mais écoute, il y avait des démos d'Aggression. Aggression qui sont arrivés avec leur premier démo, avec leur tube Metal Slaughter. Oui. Tu sais, on était bien chum avec Aggression aussi, à cette époque-là, donc on avait ces démos-là. Évidemment, les cassettes aujourd'hui, il faut les numériser parce que tu sais que c'est une date de péremption là-dessus, là. Puis à un moment donné, ça joue un peu moins bien, là. C'est ça. Mais je les ai toujours encore. Ouais. Ben, l'objet en tant que tel, je tiens à l'objet. Sauf que il faudrait que tu entreposes ça de façon adéquate, parce que sinon la tête collait l'un sur l'autre. Ouais. Puis là, tu ramassais, tu faisais jouer ça, puis c'est soit qu'ils se débobinaient tout, ou bien non, t'entendais des t'avais l'impression. Là, tu disais, bon, ça y est, le Paris Gimbal va me tomber dessus parce qu'il va penser que c'est des messages subliminaux. Hein? mais surprenamment, ouais. Je t'ai dit que j'avais dans les mains tout à l'heure le démo de Voivode tout de ouais. Death. Oui. J'ai encore un tape deck et il fonctionne encore ce démo. We'll be right back. salaire de melun. C'est tout ce que vous avez toujours voulu d'une bière. Et moins. Moins, parce que la lèvre est moins bourrative au goût qu'une bière ordinaire. Bourrative? Ben oui, regarde là-dedans. Maintenant qu'elle est brassée ici, la lèvre, ça satisfait son âme. Bourrative, comme dans moins bourrative au goût, voire lèvre de melun, c'est quoi ce dictionnaire-là? La lèvre de melun. Tout ce que vous avez toujours voulu d'une bière. Et moins. Toujours en direct du Jarry Smoke Meat dans l'est de Montréal avec, avec Wayne Archibald pour ce Metal for Breakfast après 8 cafés. Tant que ça? Ben, à peu près. OK, bon. Je ne sais pas compter. On vient d'entendre cette excellente pièce de Loudness, Esper. C'est l'album des Illusions de 1984, précédé de Voivod, Condemned to the Gallows, de 84 aussi, de ce démo To the Death. Un choix du Dr. Pendragon. Et au début du bloc, Holocaust avec Death or Glory de 1981 de l'album The Nightcomers. Prochain bloc, on va entendre un démo que j'ai sélectionné, le premier démo d'Aggression. On va entendre aussi un extrait du deuxième album de Creator, qui est un album marquant pour pas mal de monde, entre autres pour le Dr. Pendragon, dont on entendra aussi les commentaires à distance. Mais d'abord, les Allemands de Running Wild avec un extrait de leur... je pense que c'est le quatrième album, si je ne me trompe pas. En fait, c'est de 89, la pièce Riding the Storm. Justement, parle-moi donc de Running Wild. Il y avait un band, c'était un band allemand que, tu sais, dans le temps, les années 80, Sweden, Germany, là, les Suèdes, les Allemands, il y avait quelque chose de spécial dans leur son. Puis Running Wild, je sais pas, il y avait les chaînes, le cuir, puis il y avait c'était catchy, c'était bon, c'était du bon rock, puis ça marche encore aujourd'hui, t'écoutes ça maintenant, là, puis c'est aussi fort, ouais. C'est ça que... C'est pour ça que c'est resté marqué avec des metal fans encore. Ça marche très fort, Running Wild. Mm-hmm. Même s'ils font plus de shows, ils font un show par année parce qu'ils chargent très cher, ça a l'air. Là. Ah oui. Rock and roll, fun. Mm-hmm. En tout cas, mais c'est super bon. C'est surtout ça, là, parce que c'est une good music qui tient fort toutes ces années-là. Mm-hmm. C'est ça qui est marquant. Moi, j'ai un peu, à partir de Port-Royal, je les ai comme un peu perdu dans l'ombre. Là. On dirait qu'il y avait trop de choses qui sortaient là, à la fin des années 80. Là, puis j'ai beaucoup aimé Branded in Exile, puis l'autre d'avant, Gates to Purgatory, c'est ça. Ouais. Puis mais après ça, je sais pas, c'est comme il y a comme bien des bandes qui ont sorti, ils ont été pas mal productifs pendant beaucoup d'années, un peu comme les Gravedigger, les Loudness aussi, mais c'est quand même amené là. C'est peut-être à cause de la distribution aussi que ça a fait défaut à un moment donné, qu'on les voyait plus dans les magasins, ces bandes-là. Il y avait des distributeurs aussi, il y avait des magasins, puis des fois ça marchait pas, ils faisaient pas d'argent, puis ça ferme, tu sais, Record Store qui a fermé, il y avait pas d'internet pour commander online, ouais. Comme on fait maintenant, tu sais. Ouais. Ça a changé beaucoup le temps, ce temps-là. Là. Ouais. Donc, c'est ça, tu parlais de rock'n'roll, justement, son vrai nom, Ralph Kasparet. C'est ça, il y a eu 55 ans le 1er juillet dernier. Et puis, c'est ça, il tient toujours là-bas. Hein. L'ingénieur de son sur l'album, Jan Nemec, c'est un gars qui avait travaillé aussi avec Celtic Frost, Gravedigger, Halloween, des bandes sur Noise. Ça avait été sorti, ça a sorti le 8 novembre 89 sur Noise. Puis la bande a été fondée à Hambourg en 79, mais portait le nom de Granite Arts originellement depuis 76. Et puis, notez que, Running Wild, ça vient d'une pièce de Judas Priest, en fait, qui portait le même nom. Alors, c'est un cinquième album sur 17 pour Running Wild. Je vous parle aussi d'Aggression, pièce du premier démo. Groupe de Montréal, fondé un peu avant 85, en fait, il portait le nom de Asylum à l'époque. Avant de changer pour Aggression, ça a été fondé par Sasquatch, Denis Barthes et Burn. Puis, ce démo de 4 pièces avait été enregistré en septembre 85 au studio Prise 1 à Laval, et qui mettait en évidence l'excellent batteur Gate, qui nous a quittés en 2009. La pièce Torment or Death est sortie sur une compilation qui s'appelait Thrash Metal en 86 sur New Renaissance Records. Puis la chanson Metal Slaughter aussi sur Speed Metal Hell Volume 2, une compilation aussi, également de New Renaissance. Johnny Hart, que tu as bien connu, de Metal Co., a été leur manager avant que le band s'en aille pour signer avec Michel Mies sur Banzai. Puis noter pour Forgotten Skeleton, l'album qui devait précéder The Fall Treatment. Un peu comme le Journey to Fear de Def Leppard, ne vit pas le jour avant 2004. Bon, problème de pressing avec Facepalm Records, qui était la compagnie de Scott Givens, qui ont causé des délais assez importants pour que le projet tombe à l'eau. Alors, finalement, ben, de fil en aiguille, le groupe n'a pas vraiment survécu longtemps après la sortie de Fall Treatment l'année suivante sur Banzai. Mais on peut encore en apprécier la qualité du matériel aujourd'hui. Bref, c'est ça, on va entendre la pièce Evil Pox de cette démo-là. Moi, j'avais su ça par la poste, j'ai vraiment trippé. La production était minimale, mais en tout cas, on était un peu à la recherche d'extrêmes, déjà en 85-86, côté speed metal, puis Aggression, mais c'était un band qui était extrême pas mal dans tous les sens. Puis... Puis, en tout cas, côté beat par minute, on était très bien servi. Puis, ça rivalisait avec les Creator, les Battery, puis tout ce qui était Dark Angel et les compagnies. Donc, on avait notre Slayer, mais malheureusement, ça. Un peu comme on avait notre Maiden avec Def Leppard. Mais bon, historiquement, ben, il y a eu des imprévus. Ça n'a malheureusement pas eu de suivi. Ça s'est pas perpétué comme on aurait voulu. Moi, j'ai trouvé ça tellement heavy, l'aggression dans le temps. J'avais quasiment peur. Ouais. Parce que moi, j'étais toujours plus power metal, plus mélodique. Là, l'aggression arrive, puis my God, c'était heavy. Puis je réécoute ça maintenant, puis c'est bizarre. On dirait que c'est moins heavy que je pensais. Tu sais, avec l'oreille qui a changé avec le temps, avec les nouveaux bands, plus heavy qui sort incroyablement. Death, Grindcore, ou je sais pas quoi. Là. Je me souviens, tu avais dit la même chose pour Venom aussi. Ouais, mais Aggression, c'est plus raw, heavy, fast que Venom, tu sais. Ouais, j'avais pensé pareil qu'avec Venom. Ouais, bizarrement. Mm-hmm. J'étais momone un peu, peut-être, je sais pas. Et puis, il y a aussi dans le bloc qu'on va entendre, Creator Pleasure to Kill, un album très important, hein, qui a influencé beaucoup. C'était comme un peu du proto-death metal, hein, parce que ça a influencé tellement de groupes à faire ce qu'ils font aujourd'hui dans le heavier, vraiment death extrême. Puis, je me souviendrai toujours du 10 juillet 86, date marquante pour moi, parce que j'ai eu cet album-là la même journée que le Roar de Voivod, copié en vinyle. Puis, écoute, c'était un jour historique en termes de extreme metal. Dans la vie à Sylvie. Absolument. Puis, pour nous en parler un peu plus longuement, on va entendre aussi le Dr. Pendragon durant le bloc nous parler de sa vision de cet album qui était très marquant pour lui. Ce Pleasure to Kill qui fait encore jouer souvent à réanimation, c'est assez fou. Donc, on va entendre Aggression, Creator, mais d'abord Running Wild avec Riding the Storm de 89 de l'album Death of Glory à Subversion sur Underground Québec Radio. Bon, je suis en compagnie du Dr. Pendragon en direct de Trois-Rivières. Toujours plaisant de converser avec le doc. Évidemment, je voulais t'entretenir sur, non pas vraiment tes coups de cœur, mais ton principal coup de cœur à l'époque des années 80, en ce qui a trait au vinyle et aux démos aussi, cette belle époque. Puisqu'on sait qu'à Réanimation, tu fais vraiment quand même pas mal de focus sur cette époque-là aussi pour la souligner. Et toi, selon toi, je sais que c'est un choix difficile pour toi, puis tu as été hésitant aussi dans ton choix, mais ton coup de cœur, principal côté vinyle que tu as vraiment marqué à l'époque, qu'est-ce qui te vient en tête? Écoute, c'est très déchirant. C'était cruel de me faire choisir seulement un titre. Ouais. J'hésite vraiment entre trois. Là. J'hésite vraiment entre Creator, Pleasure to Kill, Possessed, Seven Churches, et Celtic Frost 2, Megatherium. Écoute, je suis obligé de te dire que Creator, Pleasure to Kill est un album qui m'a été in my face de la première écoute. Pas un album parfait, un album imparfait techniquement. Pas nécessairement au niveau de l'enregistrement, qui était un petit peu sec, j'en conviens, mais plus au niveau de la performance des musiciens, qui n'était pas nécessairement très tight à l'époque. Il était un peu plus que sur le premier album, mais quand même. Mais ça rentre encore aujourd'hui en masse, là, puis moi j'aime beaucoup écouter ça. Je pense que je vais choisir. Je ne sais pas. Ah, je te comprends bien là-dessus. Mais quelle belle époque, là. Tu sais, ça peut paraître très nostalgique. Je m'en confère, j'ai quand même une certaine, j'ai de la nostalgie pour certaines choses, surtout les bons moments, les bonnes époques. Mais ce qui était vraiment le fun à cette époque-là, c'était justement de découvrir que le vinyle, tu pouvais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'avais pas de poste d'écoute, t'avais pas Internet pour dire, va falloir me faire une idée, il n'y a pas YouTube, rien de ça. Fait que tu découvrais ton album en le mettant sur la table tournante. Puis là, ben, tu disais, je me suis fait fourrer d'avion, ou bien, yes, c'est vraiment bon. Free. Vous êtes à l'émission Un Classique en compagnie de ce malade mental qu'est le Dr. Pendragon. Ben, ça peut m'arriver d'avoir certains écarts de conduite et comportements étranges. Ça fait pas de moi un malade mental. Ben, écoute, t'es en train de dire le père est gémal, là, quand même. Ben, franchement, je suis en train de te lire en plus, puis t'es captivé autant que moi. We'll be right back. Nous sommes toujours en direct du Jerry Smoke Beat dans Eastern Montreal, toujours avec Wayne Archibald pour ce spécial Metal for Breakfast édition, en tout cas part 2, Tape Trading Days, Vinyl and Demos. Excellent, excellent. Long Live Dollard Edition. Yeah. Puis, oui. Puis on vient d'entendre, c'était qui les fous qu'on vient d'entendre? C'était Aggression, hein? En 1985 avec Evil Pox, issu de ce premier démo de 4 pièces qui avait créé une commotion dans l'underground. En tout cas, on pouvait être fiers d'avoir un band qui, à ce moment-là, en tout cas, était aussi propulsé, je dirais... En beat par minute, puis en exécution. Ouais, mais ouais. Salutations à Dennis Barth, là, ouais, guitariste, ouais. Qui est encore vivant à Vancouver, ouais, ouais. Puis ouais, qui a remis Aggression back on the map, là, parce oui. que c'est bien le fun qu'ils oui. font des shows, puis c'est très, très cool, puis de le revoir live, jouer, puis rencontrer pendant une bière avec, là. Thomas et Patrick. Ben oui, absolument, je suis bien d'accord. Puis pour avoir José avec lui, justement, au Fouf, pour une entrevue, c'est toujours sympathique, Denis. Puis, peut-être qu'il nous écoute, puis écoute l'épisode là, dans son SUV, direction Vancouver, pour un match de soccer. De son fils. Hein? Donc, c'est ça, Aggression avec Evil Pox. Précédemment, on faisait pas dans la dentelle, aussi en Allemagne, avec Creator, Pleasure to Kill de l'album Pleasure to Kill de 86. En début de bloc également de l'Allemagne Running Wild avec Riding the Storm. C'est pas Ride the Lightning, c'est Riding the Storm de 89 de l'album Death or Glory. Il nous reste un bloc de 3 pièces à vous présenter. On va entendre les Floridiens de Nocturnus. On va entendre aussi Titan, qui sont des Britanniques, je pense. Hein? Yes. Oui. Puis Slaughter, mais pas celui de Mark Slaughter, le Slaughter de Toronto. On va entendre une pièce de ce 7 pouces Nocturnal Hell. Ça m'avait tenté de prendre une pièce du démo, Surrender or Die, que Annick aime beaucoup d'ailleurs, qu'elle fait jouer une fois de temps en temps lors de ses soirées de DJ. Mais j'ai trouvé fort marquant pour moi, en tant qu'expérience vinyle, le fameux 7 pouces Tortured Nocturnal Hell. Que j'avais acheté chez Rock en Stock en septembre 86. Ça traînait sur le comptoir. Je dis, j'ai entendu parler de ça, faut que j'essaye ça. Alors, justement, on était dans la course au beat par minute en 86. Là. À l'été 86, c'était une course folle avec les Creators, les Crypt Six Slaughter, les Battery, les Veermock, nommez-les tous. Et puis, Slaughter faisait partie de cette. Oui. Et puis, on va entendre... j'avais choisi la pièce Tortured Souls. Mais d'abord, je vous parle de Nocturnus. Nocturnus qui a été fondé à Tampa Bay en 87 avec des membres, justement, anciens membres de la scène floridienne de bandes comme Morbid Angel ou Nasty Savage. Et c'est Mike Browning, en fait, ex-Morbid Angel, le batteur, qui est à l'origine de ce projet-là. C'est reconnu comme un des premiers bands de death metal à incorporer le clavier et des effets sonores dans leur musique et des thèmes par rapport à la science-fiction. C'est vrai, quand on écoute Nocturnus, des albums comme The Key ou Thresholds, c'est vrai qu'on est vraiment propulsé, très très loin dans l'espace avec eux autres. Puis moi, c'est le premier band que j'ai entendu vraiment faire du métal extrême avec du clavier, mais pas juste clavier en termes d'ambiance, mais vraiment upfront aussi, qui faisait partie vraiment intégrante du discours musical du band. Je pense que c'est une petite revanche de Mike Browning aussi, qui avait quitté Morbid Angel. C'est une histoire un peu dramatique, là, une histoire de girlfriend. c'est probablement la cause, supposément, qui serait partie du groupe. Ça a été avoué aussi par le claviériste dans une entrevue à l'époque qu'il avait été un peu influencé justement par des bands comme Savatage qui incorporait justement du clavier dans leur musique. C'est un des premiers bands vraiment heavy à avoir à utiliser les claviers quand même de façon assez substantielle quand même. Alors, c'est un vent de fraîcheur dans le métal. Puis en 88, ce démo-là en faisait en faisait justement office. Est-ce que c'était bien accepté par les fans de Death Metal? Ben, plus ou moins, je dirais. Non, pas vraiment, parce que, ben, oui, c'était peut-être un peu audacieux pour son temps. Je pense qu'il y en a qui ont accueilli ça vraiment de façon à bras ouverts, comme on dit, parce que c'était quand même très extrême, puis le musicianship était assez élevé aussi, puis je pense que c'était quelque chose que le monde recherchait, un peu à l'instar des Morbid Angel ou Death et compagnie, mais en contrepartie, justement, il y a beaucoup qu'il y avait comme mode de pensée que le clavier, ça va pas d'affaire dans le métal. Et puis, surtout dans un contexte extrême, t'es pas habitué à ça, mais pas du tout. Alors que tous les pionniers du death metal, à partir de Death, Autopsy, Malvern Creation et compagnie, Cannibal Corpse, Obituary, il n'avait pas de clavier là-dedans, puis ça n'avait pas sa place. Alors c'était quand même au-dessus de la part de Nocturnus de faire ça. Donc c'était quand même un peu un band expérimental, si tu veux, en conséquent. Et puis il y avait justement Richard Bateman qui a joué avec Nasty Savage aussi sur les versions originales de Nocturnus. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est... Quelle pièce que j'ai choisie? Néolithique, oui, c'est ça, qui a paru sur, évidemment, sur l'album de Key, qui était en gros une histoire d'un cyborg qui est plus ou moins comme programmé pour voyager dans le temps, justement, pour en l'an 0 ou en l'an 33 pour aller, on ne sait pas trop, pour aller supprimer le Christ, justement, pour justement abolir le christianisme d'une certaine façon. Fait que c'était un peu un album à la fois athée et très, très cosmique. Bon, donc, on va entendre une version antérieure, justement, de Néolithique qui figure cet album-là sur le démo de Science of Horror, paru en 88. Aussi, dans ce bloc, on va avoir Titan, ce qui est un choix de Wayne, la pièce Blind Men and Fools, et ça date de 82. Et pourquoi tu as choisi cette pièce de Titan, Wayne? Ben, Titan, c'est un autre band de New Wave British Heavy Metal qui était très, très fort. Ils ont fait un démo encore une fois sur BBC, un autre BBC démo. Puis quand cette démo-là a sorti, c'était pour les tape traders, là, c'était comme un cadeau ça. C'était, le son était bon parce que c'était radio produced, mais il y avait 4 chansons qui ont sorti, c'était écœurant, c'était incroyable. Puis après ça, ils ont sorti l'album, mais l'album, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais il y avait ces 4 bonnes tunes-là qui étaient vraiment écœurantes. Les mêmes 4 tunes du démo. Après ça, le reste est assez commercial puis pas vraiment bon. C'était bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces 4 tunes-là. Je sais pas ce qui s'est passé entre le temps du démo puis le temps de l'album. Mm-hmm. Mais c'est comme des tunes vraiment quasiment pas pop, mais c'était pas bon. Ouais, c'était trop accessible. Je sais pas. Mais ces 4 tunes-là du démo, c'est pour ça que c'est un démo-là de Titan. Quand c'est sorti, tout le monde, wow. Puis Carl Swan, ses vocales étaient... Et que c'était incroyable. Mais il marche encore, Titan, dans ses jours 7, puis j'imagine qu'il vit sur leur vieille tune. Puis ça, c'est un des tunes qui est un classique à eux autres, Lyman and Fools. Et quelle chanson! Ah ouais. Tu te rappelles-tu de qui tu avais reçu ce tape qui était si bienvenu dans ta boîte à mal? Non. Après mes 2, 3, 4 000 tapes que j'ai reçus, non. Oh, shit. Mais moi, j'ai des bonnes chances que ce soit Bernard Doe d'Angleterre qui avait le magazine Metal Forces. Ouais. Lui, il m'a envoyé beaucoup des affaires british. Ouais. Il y a des bonnes chances que c'était lui. Ah, oui. Mais je suis pas une chance. Si Bernard t'écoute ton show, là. Ouais. S'il peut répondre, c'est bon. OK. Bon, on va y faire parvenir. Oui, Titan qui a été fondé à Londres justement en 81. Ça a été reformé en 2010, un peu comme tu mentionnais. Alors qu'ils avaient, ils étaient confirmés pour la 15e édition du Keep It True Festival. Et puis Kevin Skids Riddle, je pense que c'est le seul membre original, si mes notes ne me trompent pas. Bassiste et vocaliste. Et puis, pourquoi j'ai un paquet de bandes là, ici? Là, Parce que Kevin Rose, il joue avec Weapon en ce moment encore. Ouais. Et il s'est lancé Angel Witch. Ah, okay. Donc, c'est pour ça peut-être que tu as tout marqué ça. Ah, okay. Puis, Ex-Lightning Lord, je ne sais pas. The Deep, je ne sais pas. Ex-Samson, je ne sais pas. Mais je t'en ai dit tes notes. Mais en ce moment, il joue avec Weapon. Puis, il a commencé avec Angel Witch. Puis, Il y a Kevin Riddles qui est ami avec moi sur Facebook en ce moment. Il est très cool. Là, sa femme aussi, on s'écrit. Puis il fait encore son New Every British Heavy Metal Day Festival. Puis ça marche encore. Ah, ben, je serais curieux de voir le song line-up qu'ils font, ben, le song list qu'ils font live. Je serais très curieux. Mais j'imagine que c'est pour ça, c'est là que t'as mis ça. Ah. Et je vois ici que Martin Popoff, ou Martin Poffard, ben, il a quand même donné une cote de 8 sur 10 cette fois à l'album dans son Collector's Guide to Heavy Metal. C'est bon, c'est bon. Peut-être 7 pour les 4 tonnes, puis 1 pour la pochette, parce que la pochette est super belle, là, mais les autres tonnes, c'était pas fort. C'est goût personnel encore. Et puis, Slaughter, comme on disait, pas la version de Mark, mais notre Slaughter canadien, Super Heavy. Ça marche encore, ça, Slaughter? Ça s'est dissolu, ça a changé de nom, les membres ont voulu reformer ça sur un autre nom, Strapado. C'est redevenu Slaughter, c'est très confus, leur timeline, eux autres. En tout cas, c'est sûr que c'est pas les trois membres. Les trois mêmes membres qui font de la musique ensemble, mais je sais pas qu'est-ce que Terry Sadler fait aujourd'hui. J'ai pas d'update de ça. Mais je me souviens, j'ai correspondu à l'époque avec Terry Sadler, justement, dans le temps des démos. Puis même que j'avais commencé à. Il m'avait demandé pour faire la version française de leur newsletter à l'époque. Okay. Parce qu'ils distribuaient par la poste. J'avais commencé ça, mais là, c'était comme un peu comme le déclin là, en même temps. Puis, ils ont fait des enregistrements ici et là, des rehearsal tapes qui distribuaient tout ça. Ils ont jammé aussi avec Chuck Schuldiner de Death. On entend souvent dire qu'il a fait partie de Slaughter, mais il n'a pas vraiment fait partie du band. C'est plus comme un jam qui n'a pas vraiment. C'est pas devenu quelque chose de permanent, loin de là, parce que on sait que le groupe Death était toujours en ascension. Alors, je pense pas qu'il avait le temps de venir à Toronto, à Peterborough ou à Scarborough, je sais pas trop où. Je me souviens plus, là, mais en tout cas, Slaughter, c'est justement côté expérience vinyle, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le son, la production. Donc, au côté exécution, c'était un peu minimal. T'sais, on voit que les gars n'étaient pas trop professionnels encore, mais la production les a aidés justement à faire comprendre au monde que faut les prendre au sérieux en même temps, parce que c'est un peu comme un mix de Celtic Frost avec, je ne sais pas comment dire... Celtic Frost, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais c'est encore plus lourd que Celtic pouvait l'être. Puis à leur moment, il pouvait être aussi rapide que Cryptic Slaughter. Donc c'était peut-être un peu un mélange des deux. Une espèce de super speed metal out of control avec un super heaviness, justement, à la Celtic Frost. Ça me fait penser aussi, c'est le tone de guitare qui est un peu précurseur de ce qui s'en venait dans la première vague de Swedish Death Metal. Espèce de son genre pédale boss heavy metal one, là, avec tous les pitons de volume puis de distorsion au bout, là, puis de gain, là, puis de. En tout cas. Mais disons à la Entombed Dismember aussi, là, toutes les productions de Thomas Scott Berg à l'époque, qui a fait un peu le son qui a donné un peu la signature des bandes de la première vague du Swedish Death Metal. Et puis donc Slaughter sont un petit peu considérés comme des pionniers du Death Metal, qui ont été des influences pour des bandes européennes à ce chapitre, dont Napalm Death. Alors on peut le considérer comme un band culte à ce niveau-là. Donc moi, j'ai jamais regretté d'avoir pris ce 45 tours sur le comptoir du Rock en Stock. Combien t'as payé? Aïe, aïe, aïe. Ça se peut-tu? 4,99? Ouais, hein? C'est pas mal ça que ça se vendait, les 7 pouces sur le comptoir. Ouais, je pense que oui, là. Ouais. Je m'en rappelle pas. Parce que toi, tu as travaillé au cash au Rock en Stock. Ouais, mais c'était pas un bootleg, donc c'était un légal. Donc... Ouais, c'était légal. Alors, fait que c'est ça qu'on va entendre. Nocturnus, Titan, mais d'abord Slaughter avec Tortured Souls, une pièce inévitable de ce sépouse de Nocturnal Hell de 1986. La subversion sur Underground Québec Radio. Yeah, man!

char de police qui est spécialement conçu à cet effet. Espèce de char américain noir. Get out of your car, Simon! voulez voir ce qu'admireront les admirateurs de Cutlass cette année? Le nouveau sedan Cutlass d'Oldsmobile. Deux portes de plus pour confirmer le panache Cutlass. Et la Cutlass Cruiser, la plus spacieuse des Cutlass. Et celle qui est à l'origine de l'admiration des admirateurs de Cutlass, la Cutlass Suprême. Marie, c'est un superbe moyen de transport. On vous en a construit Oldsmobile. Alors, nous avons entendu dans ce dernier bloc Nocturnus avec Neolithic, paru sur le démo The Science of Horror de 1988. C'est précédé de Titan avec Blind Men and Fools du EP BBC démo 1982. Et en début de bloc, on avait eu Slaughter avec Tortured Souls de ce single 7 pouces Nocturnal Hell. La pièce étant, oui, justement Tortured Souls de 1986. Alors, c'est ce qui clôture ce Metal for Breakfast Part 2. Il était temps qu'on finisse parce que la madame n'est pas venue nous porter d'autres cafés depuis je pense, Lordness. Lordness, qui dit, soit dit en passant, notre collègue, bien reconnu, justement en parlant des Defenders of the Old, Ron Quintana. De la côte ouest, a posté hier une note ou un flyer par rapport à la venue de Lordness. La première venue de Lordness, justement, aux States, c'était au Keystone. C'était-tu à San Francisco? C'est à l'extérieur de San Francisco. Oui. Au fameux Keystone, qui se sont produits un 15 juillet, alors c'était hier. Oh, wow! Ouais. On a manqué ça. Hein? Ah, c'est cool, c'est intéressant. Puis. Donc, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ça encore une fois avec toi. Puis, je voulais juste faire mention des bands qu'on avait parlé la première fois, l'émission du 15 avril. On avait choisi les bands Accept, Venom, Oz, Merciful Fate, Morbid Angel, Riot, Voivod, Exciter, Vermock, Michael Schenker, Witchkiller, puis Sadistic Vision. Alors, encore une fois, on a eu une belle brochette de bandes pour cette émission aussi. La bonne musique, c'est ton show, c'est bien. Toujours de la bonne musique, c'est le fun. C'est le fun, ça. Quand même assez varié. On passe de Titan à Nocturnus. C'est un virage à 180 degrés, mais c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça. Mais c'est ça, le monde qui ont l'esprit ouvert pour la musique. Là, puis ils sont capables d'écouter plein d'affaires. Tu peux pas être fermé à écouter un qu'un style. Là. C'est pas bon, ça. Il faut être ouvert à plein d'affaires. Puis je remarque aujourd'hui, les jeunes qui écoutent des affaires bien élevées, bien speed, peut écouter du New Wave British Heavy Metal, des affaires bien. Des speeds normales, du Doom. Puis c'est ça que j'aime maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils sont très old school, mais ils sont prêts à écouter du thrash, du new wave British heavy metal, du mid-tempo, c'est le fun ça, j'aime ça, d'un fan de métal, l'esprit ouvert, c'est bien important. Absolument, parce que c'est facile de passer à côté de plein de petits trésors, et puis on a juste à feuilleter un Kerrang pour s'apercevoir que, oh wow, c'est vrai, acide, tu sais, même, wow, acide maniaque, tu sais, c'est un autre album que j'aurais voulu parler, c'est Grim Reaper, puis toi, justement, dans ta recherche, il t'en est venu plein à l'esprit, puis se faire dire, oh non, il faut que je me foute, il faut que je me mette un break, il faut que j'arrête, parce que là, il y en a trop. Puis il va falloir se reprendre pour une autre édition comme celle-là. Oui, exactement. Ah, j'ai hâte au prochain déjeuner. Là. Ouais. On va prendre des saucisses la prochaine fois. Bacon était un peu froid. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, je sais que tu vas te rendre à Boston à l'automne pour aller voir St. Vitus, puis The Skull aussi, puis Mystic Circle. Magic Circle. Là-bas, puis fait que tu vas peut-être, si tu veux, tu pourras nous faire un rapport de cet événement. Je vais jouer du Saint Vitus. Je sais pas si ça va réveiller le monde, là, mais ça va être bien fun d'écouter. Puis du Magic, puis The Skull, l'ancien membre de Trouble, c'est toujours bon live. Puis Magic Circle, c'est un nouveau band de Boston, je pense. Ils sont très très bons aussi. Donc ça va être bien intéressant comme show, on va en parler, c'est sûr. Bon, ben, comme je disais, c'est un grand plaisir de faire ça avec toi. Puis, à bientôt, j'espère. Puis, merci, Sylvain. Oui. Bien gentil. Puis, à nos auditeurs, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre subversion. Spread the word pour subversion. Partagez les podcasts sur SoundCloud et aussi surveillez la page Facebook. Aussi les chroniques de notre ami Guillaume Gagnon, alias Sinistro, sur hurlemort.com. site en reconstruction où ce qu'on pourra bientôt pouvoir écouter en streaming ou en download toutes les émissions antérieures de Subversion, ça s'en vient. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et keep it metal. Yeah, metal up your ass, man. I want to point out that Finland has perhaps the most heavy metal bands per capita, and also ranks high on good governance. I don't know if there's any correlation there. Fier partenaire de cette grande inquisition de la musique populaire au Québec avec hurlement.com, réanimation.com et rockclassique.net. Wait a minute, I don't support your system!